Il faut savoir aussi que quand cette opération spéciale a démarré, les Ukrainiens avaient à peu près 3 000 chars, 3 000 minimum. Tout a été détruit, notamment les chars allemands ont été détruits. Mais c'est pour ça que tous les porte-paroles russes, qu'est-ce qu'ils ont dit? À partir même de Lavrov ou Medvedev ou Piskov, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de tout, on va les brûler ces chars, ça ne sert à rien. Les chars russes sont beaucoup plus performants que les chars de tous les pays otaniens, surtout les chars américains. Il y a une chose aussi, les Américains, ils vivent grâce à la vente des armes. Et comme leurs chars ne valent rien, ils ont besoin de carburant pour les avions, pour les faire fonctionner. Afrique Média, le monde, c'est nous.